Bonjour, bonsoir, bienvenue dans le secret du son d'ABBA. Bonsoir, monsieur Melon. Salut Grégoula. David à la technique, il ne vous parlera pas, mais il fera du bon son. On commence tout de suite par Ventura. Enfin, un extrait dans le secret du son d'ABBA. On avait hésité le temps, en fait, de se l'approprier. Hein, exactement. Je crois que nos oreilles se deviennent familières avec leur nouveau son, leur nouvelle compo. Et finalement, voilà. C'est bingo. On l'aime. Bingo cash. Cet album Ultimate Ney 4, on s'en écoute tout de suite un extrait dans le secret du son d'ABBA. Ventura avec le morceau Very Elephant Man. Ventura dans le secret du son d'ABBA, extrait de ce troisième album. Ultimate Ney 4, donc sorti chez African Tape, si je dis pas de bêtises. Début avril 2013. Voilà. Deux passages en Bretagne en ce milieu du mois de mai. Tout à fait, il y a des dates à la Carène, il y a une date à Rennes, il y a une date au Stakhanov à Nantes. Par-ci, par-là. Par-ci, voilà. Par-là. Donc c'est vrai que moi c'est un album, j'ai mis un peu de temps à rentrer dedans, contrairement à We Recruit hein, qui avait des tubes instantanés. Tout à fait. Et là c'est un peu plus sinueux, un peu différent. Ils ont alourdi un peu le propos. Les compositions sont pas immédiates. Il y a toujours ce sens mélodique, mais il est un peu plus planqué. Le chant lui-même est un peu plus planqué. C'est moins direct, moins frontal. Et n'empêche que au fil des écoutes, prend toute son ampleur et toute sa force en fait. Et moi, je pense aussi aux copains de Rennes, les Cafouel, qui avaient un peu eu ce sentiment qu'il avait peut-être plus écouté que moi. Et voilà, on est vraiment, c'est un album qui se bonifie avec le temps, et voilà, c'est toujours mortel ça, cette sensation. Et voilà, un album enregistré a priori à 3 et 4 a priori, il y a une deuxième guitare en live. Donc, en studio, tu veux dire? Non, c'est marqué live guitare. Là aussi, ça veut dire qu'actuellement il tourne avec. Bah, peut-être, avec une quatrième guitare. J'avais compris l'inverse. Ouais. On aura des confirmations assez rapidement. Et voilà, c'est un 9 titres enregistré chez Serge Moratel du Rec Studio à Genève, hein, ville dont ils sont originaires. Et ça faisait moi beaucoup penser à tout l'album à Brazen. Brazen qui est aussi un groupe suisse qui avait fracassé tout le monde avec un premier 10 pouces. C'était à la fin des années 90. Il avait sorti ensuite un album qui avait particulièrement un peu repris tout le monde à rebrousse-poil et mis beaucoup de gens sur le côté, qui était vraiment pourtant une fulgurance pop assez géniale avec des grosses guitares, pareil, dans le même esprit qu'aujourd'hui développe Ventura. Et vraiment, je vous invite, pour ceux qui ont beaucoup aimé cet album de Ventura, à jeter une oreille sur Brazen si vous avez l'occasion. On reste chez African Dape, si je ne dis pas de bêtises, avec exactement. Un groupe qui tourne justement sur un certain nombre de dates aux côtés de Ventura et de 3 Second Kiss d'ailleurs. Hein. Exactement. C'est parce que finalement Ventura s'inclut dans une tournée African Tape là ces jours-ci. Voilà, parce que le label African Tape, hein, monté par Julien, le batteur de Chevreuil, basé depuis plusieurs années en Italie, fête ses 5 ans le label. Voilà. Et du coup, il en a profité pour monter plusieurs soirées, plutôt qu'un festival, plusieurs soirées peu partout en France. Les African Tape Night. Exactement. Et avec des plateaux où on retrouve une partie des artistes qu'il défend, entre autres Power Dove, dont on a déjà diffusé de la musique dans l'émission. On écoute un extrait de Papier Tigre, un nouveau Seven, qui leur a permis de s'envoler. Ils sont partis avec aux États-Unis 3 semaines, et a priori ça s'est plutôt très bien passé pour eux. Ils sont revenus chaud bouillant au festival. Si on en écoute les échos en provenance de Pau et du festival à temps rêvé du roi, c'est-à-dire l'unanimité autour de Papier Tigre. Voilà. Toutes les gens qui des fois sont un peu dubitatifs concernant l'excellent trio nantais n'avaient que de mots pour eux. Donc là, je crois qu'ils ont mis tout le monde d'accord. Papier Tigre avec, on écoute Personal Belongings, tiré du nouveau Seven sorti sur African Tape. Small day. Captain Volchok dans Le Secret du Son d'Abba avec le morceau Bilbao Cut, extrait du quatrième album de Captain Volchok, le temps passe vite. Ça gagne drôlement. Ah ouais, vraiment, un extrait qui est vraiment... qui fait saliver grave. Ils reviennent d'Australie, d'une petite tournée là, nos amis de Freiburg, ils sont en forme olympique. Ils ont enregistré ce nouvel album avec le clavier, si je ne me trompe pas, d'Electric. À Strasbourg, donc l'album s'appelle Strasbourg, c'est Strasbourg, Fribourg, c'est un peu quand même les voisins. Et voilà, que dire, bah, moi j'adore ce groupe que j'ai fait tourner à plusieurs reprises en France. Voilà, j'ai hâte d'attendre leur précédent album, 78 Hours, était une tuerie. Cet album, semble-t-il, il essaye de rallonger un peu plus ses morceaux avec un esprit de répétition encore un. Ils vont essayer de plus loin, jouer sur les effets, sur les cassures, sur... voilà, que vraiment c'est terrible, hein, comme d'hab. Et voilà, si les gens ont la chance de les voir, ben, ne les ratez sous aucun prétexte. En concert, c'est une grosse bombe. Il y aura des dates en France, ou il y a des dates ouais, en France. Ouais, il y a des dates en France, ils y sont là, voilà, mais j'espère qu'ils reviendront après. Pour d'autres dates après la sortie de l'album, voilà. En tout cas, je vous invite à ne pas les rater. Ils seront à Paris, ils seront à Strasbourg, plutôt dans l'est de la France, et j'espère qu'ils reviendront dans l'ouest, un de ces quatre. Un petit détour par l'électro maintenant, cher Rigoula, avec et un petit détour en particulier par le label allemand Raster Noton. On aime bien régulièrement évoquer les parutions de ce label. On n'arrive pas forcément à toutes les diffuser, mais ouais, presque c'est toutes énorme, mériteraient tout en fait un petit éclairage. Enfin bon, c'est pas franchement un label qui a besoin de nous non plus, mais voilà, si on veut être honnête et parler vraiment d'électro de qualité, on est obligé de mentionner leur travail et notamment leur série de 12 pouces plutôt guinchant, qui la série s'appelle Unun, et donc ce sont des parutions vinyliques. Enfin, on peut aussi trouver les morceaux en format numérique, bien évidemment, comme c'est le cas pour l'ensemble des parutions de ce label. Donc c'est une et nouvelle de tous les groupes qu'on passe aujourd'hui, voilà, bien sûr. une nouvelle artiste qu'on va écouter, une japonaise du nom de Kiyoka. A priori, il y a un premier album sur un autre label, et là on va plutôt écouter ce EP qui s'appelle Ish, et un extrait, le morceau s'appelle Adu. Je ne sais pas exactement comment prononcer ça, hein, bien évidemment. C'est un petit peu ce genre de musique que j'aime avec, on va parler tout à l'heure de Ital, ce mi-chemin entre house et techno. Ni franchement l'un ni franchement l'autre, avec effectivement un côté house par le groove, par l'utilisation des voix, mais avec une rythmique assez appuyée, un côté clairement accidenté. En tout cas, c'est le cas sur le morceau qu'on va s'écouter. Et puis un son contemporain. Un son très très contemporain, ouais. Oui, bien sûr. Ouais, on n'est pas dans les canons de la house music tels que vous pouvez l'imaginer. À noter que sur ce EP, on retrouve un excellent remix. On n'est pas non plus dans les formats ultra compressés de la scène française aussi. Non plus. Vous allez voir, c'est assez différent. Oui. Ouais, il y a vraiment un côté accidenté. Un groove qui s'échappe du bouillon numérique, on va dire ça comme ça. Et on a aussi donc un remix sur ce EP de Atom TM qui rajoute quelques boucles acides sur un très très long morceau avec un groove absolument imparable. Je confirme. Et puis une phase B peut-être un poil moins entraînante, un peu plus abstraite, un peu plus peut-être méticuleuse sans être forcément maniérée. Enfin voilà, c'est un très bon EP que je vous recommande, le EP Ish de Kiyoka. On s'écoute un extrait à du dans Le Secret du Son d'Abba. I did. Ça groupe ferme, mon cher Grigoula. Grave, c'est trop bon là. Qu'est-ce que c'est donc? Voilà, alors on le laisse défiler tranquillement derrière nous, tandis que les boutiques continuent de shaker. Check, check, check. Voilà, avec donc cet extrait du EP Bola Remix. En fait, c'est un EP avec un certain nombre de remixes issus de l'album Volume 7 de Bola, le Ghanéen, et non pas le Mancunien, parce que les amateurs d'électro... soigné et envoûté se souviennent sans doute je crois que c'était Darrell Fitton ou quelque chose comme ça. Vous m'excuserez si c'était pas exactement ça son nom, mais enfin je te dirais voilà, quelqu'un qui a fait quelques très très très beaux disques sur Scam au milieu des années 90. Et là on n'est pas du tout avec ce Bola, là on est avec le Ghanéen découvert, si on puis dire, par Awesome Tapes From Africa. Alors c'est pas African Tape, hein. D'ailleurs rien à voir. Ouais. C'est ce label dont on vous a déjà plusieurs fois parlé, qui est avant tout un blog découvreur ou redécouvreur, ou en tout cas metteur en ligne et ouais, en lumière de perles d'Afrique de l'Ouest, de perles musicales d'Afrique de l'Ouest. Ouais, du Maghreb aussi, un peu d'Asie. C'est avant tout son secteur de prédilection, c'est l'Afrique de l'Ouest. Ouais, il fait aussi des DJ sessions avec ses cassettes et tout ça, qui tourne avec. Voilà, donc c'est Brian Shimkovitz qu'il s'appelle, le gars derrière Awesome Tape From Africa. Yavol. Il vit à Berlin, ça ne surprendra personne. C'est bizarre. Voilà. En tout cas, Bola, c'est une de ses nouvelles signatures. Donc c'est voilà. Tu me contrediras pas, mon cher Grigoula, si je te dis qu'on est à nouveau entre modernité et tradition, ou entre tradition et modernité. Et là, pour le coup, vraiment. On poursuit totalement là-dedans. Voilà, parce que juste pour terminer, on est avec un instrument. Bola utilise un instrument qui s'appelle le kologo, qui est donc un instrument traditionnel sur lequel il met ses drum kits, tu vois, ces sessions de rythmique préenregistrées. Un peu, c'est pour ça que tout à l'heure je te demandais, mais ce son là du sud Mozambique, le Shangan électro, voilà. Yeah, parce que ça fera penser un petit peu à ça pour ceux qui écouteront l'album Volume 7 là. Et avec voilà un univers dansant assez on va dire rudimentaire, mais ouais. Et des morceaux à rallonge sur lesquels il raconte sa life, aidé donc par son instrument le kologo là pour les parties de motifs mélodiques. Voilà, donc Bola, son album Volume 7 qu'on aurait pu s'écouter, qui est sorti je crois courant 2012, et puis plus récemment, manifestement, ce EP de remix dont on vient de s'écouter un extrait, c'était un remix par Ital, dont on parlait tout à l'heure, un ancien, ou toujours d'ailleurs, un membre du duo Miami, et son projet, là aussi, Proto House, que j'aime beaucoup. Alors, les anciens Miami, pour les vieux hardcoreux, post-hardcoreux, ils jouaient dans Black Eyes. Voilà. Alors, donc on reste à Discord pour dire que tout est lié, voilà. Tout est dans tout. Et c'est ça qui est énervant, mais le secret du son d'abat fait que souligner cette nuance. Alors, donc, oui, on le disait, on reste entre tradition et modernité, et on reste sur le dance floor, et on continue de checker les boutiques. À mort, avec le retour de Buraka Sound Sistema, qui s'éprend d'un mouvement vaguement de fond dans la scène global bass ou tropicale, c'est comme tu veux, avec il s'éprend du zouk. Alors les Portugais de angolais de Buraka Sound Sistema avaient marqué évidemment d'une empreinte du fer rouge le coup d'ouro. En tout cas, ils reviennent avec des sons qui envoient la caisse, mais peut-être en effet avec une approche presque zouk. Ça frappe pas à la première oreille, mais au fur et à mesure des écoutes, vous allez voir, au niveau des rythmiques, au niveau des sons, il y a des choses comme ça. Évidemment, on est des choses assez loin, éloignées de Kassav, mais pourquoi pas. On écoute tout de suite Buraka Sound Sistema, et ensuite on écoute Boudoua Mec, qui est une version évoluée déjà du zouk bass. Le zouk bass, c'est dans Secret du son d'Abba. Oh, yeah. Banging Clue dans le secret du son d'abat, ça zouk ferme. Et donc le morceau Booba Mec, et non pas l'inverse comme on le croyait initialement. Un New Yorkais qui se prend de la zouk basse. Et oui. Alors évidemment la polémique fait rage sur le net concernant la zouk basse, qui évidemment fera penser à beaucoup. Au retour du Moonbaton qu'on avait enterré brièvement durant l'été 2012. Il est de retour sous le nom de la Zouk Boss. Enfin bref, qu'importe. Ça fait checker du booty. Vous êtes déjà en train de danser dans votre salon. C'est bon signe. C'est bon signe. Voilà. C'est un vain espoir de faire venir définitivement le soleil. En tout cas, voilà. On est ouvert à nous les ambianceurs à diffuser ce son un peu partout, quoi. Voilà. Voilà, Bagging Clude qui a un petit nom en tout cas dans la scène Global Bass depuis un petit bout de temps. Et qui là, en tout cas, vient de New York et nous sort ce morceau qui fait bouger les fesses. On poursuit avec un retour au hip-hop. Et oui, avec Doppelgangas, extrait de leur troisième album, Arc, sorti sur le label HHV. .de, tiens donc, étonnant comme nom de label. En tout cas, c'est leur troisième album, si on accepte, je sais pas si tu te souviens, les Beat for Brother Volume 1 and Volume 2, sortis sur Groggy Pack Entertainment, c'était des morceaux plutôt instru, il y avait très très peu de... Ça c'était leur la réédition là qu'ils avaient sorti, hein. Non, ça c'était le... 2012, The New Beginning, c'était celui-là qui était sorti en 2009 et réédité l'an dernier, qu'on avait bien aimé, peut-être même qu'on en avait diffusé un extrait, je me souviens plus tellement. Non, Beats for Brothers, c'était vraiment plutôt des instrus très... enfin vraiment qui... sur lequel on retrouvait vraiment leur univers resserré autour des fondamentaux, un hip-hop assez dépouillé, basse généreuse... un groove, voilà, qui pénétrant. Pénétrant, tu me mets les mots de la bouche, des ambiances un petit peu en clair-obscur, comme on aime. Et c'est tout à fait ce qu'on retrouve ici avec ce nouvel album, qui là aussi alterne entre ombre et lumière, comme ça. Comme ils savent faire. Comme ils savent faire. Où là, on retrouve leur rap aussi, avec leur flow, que moi j'aime particulièrement. C'est vraiment pour les gens qui ont envie de retrouver du hip-hop plutôt aux antipodes des grosses productions super super sophistiquées, très très portées sur les sons électro, etc., comme aujourd'hui on peut écouter de temps en temps, comme on défend hein, à l'exemple du dernier Aesop Rock ou auparavant de POS, des gens comme ça. Et là plutôt on est dans l'esprit plus roots, plus back to the roots, comme l'avait fait Dave Dubb ou d'autres plus récemment, ou Apollo Brown bien sûr. J'aurais dû commencer par le père Cité. Apollo. On va s'écouter donc un extrait de Arc, ça s'appelle Barbiturate, c'est Doppelgangas dans Le Secret du Son là-bas. What we want is a little oomph, as you said. Yes, punch, punch, punch, punch. One lover, mama. One lover, mama. Purchase is a Deixa-me contar-te umas coisas, deixa-me contar-te um pouco. Acontece que falar ajuda é para não ficar louco. Só não há de perceber quem é moco se a saudade dói. O ódio rói, tu sabes disso? Então estou apresentado. Sou da França de 75, cinzento e tramado. Sou da raça dos homens com cinto e de que maneira apertado. Imigrante desde 86 dias retornado. Não sou vítima, não quero compaixão, a minha raiva é legítima. As raízes sempre à esquerda do meu peito. Colega, nada te conheço, eu e os meus só queremos respeito. Há vezes onde o meu canto de céu azul com sol torna-se gelo. O que eu pensava ser só estupidez é também dor de cotovelo. Bem podes cagar no sistema, coração de homem pobre ou rico, és o maior problema. Deixa-me ralhar umas coisas, deixa-me dizer que não é espanto. Um gajo aqui não sofre mais do que a ima, custa pelo menos tanto. Garanto, não queria dar lição à camada de cabrões e burros de merda que dão cabo do mundo e precipitam a queda. A tão querer ser as putas da América, que trauma essa ciência de viver na aparência. Senhora doutora, senhor engenheiro, senhor ministro do tempo perdido por muito dinheiro. Ao que odeia o imigrante que dá nas vistas com carro novo, como se não fizesse parte do povo. Diz-me, Tuga, qual é o mérito? Hoje o invejoso vive a crédito, cobiça e gasta o que não tem. Arranjou ainda mais pobre para fazer o que não lhe convém. A miséria não é garantia de humildade. História não basta para que mude a mentalidade. Compatriota, não julgues nunca, põe-te fino. À parte tua, à parte minha, outra do destino. Tanto amor, tanto tempo, tanto caminho. Tão pouca franqueza, verdade e carinho. Sabes o que é? Regressar e sentir desprezo pelo que trazes nas costas, pelo que dizes, pelo que fazes, pelo que és. Apetece só nunca mais lá pôr os pés. Mas isso não dura, a saudade é mais forte. Acontece-me pensar isto tudo no mês de agosto, lá no meu norte. Se não sabias, eu sei, agora sabes que não sou estúpido. Não é por andar com saudades que não estou lúcido. Um abração aos percebam que o imigrante batalha. Os outros e pá puta, guardei a medalha. Quinto Vasquez. Vasquez. Encore des Portugais en fait. Non, pas comme le poulet. Voilà, c'est complètement nul. C'est complètement nul, c'est l'été. Non, merde. Même pas, même pas. Quinto Vasquez. Alias. Voilà, alias Vasquez Luisi. C'est donc un extrait. Le seul extrait d'ailleurs en portugais de son album L'Océan. C'est donc un lusophone d'origine, l'ami Quinto Vasquez, mais établi en région parisienne depuis des lustres, et ancien membre du crew L'Est du Neuf. Alors tu me disais que tu ne voyais pas du tout ouais, L'Est du Neuf. Bon, que de nom en fait. Pourtant, ils ont marqué, en tout cas, au moins pour leur premier album, Le Temps d'une Vie, sorti sur Doing Damage en 2001. Ils avaient marqué un petit peu. En tout cas, ils avaient fait parler d'eux à ce moment-là. C'est vrai que leur album était assez intéressant, même si assez inégal. Mais on y croisait quand même du beau linge, notamment la jeune Cazet à l'époque, ou les gens de la rumeur, ou encore MC Jean Gabin, tu disais. MC Jean Gabin ou même Shuriken et Akhenaton de IAM. Donc c'était du lourd, quoi. Ouais, assez joli comme entrée en matière. Et puis un deuxième album où ça commençait à battre de l'aile, en tout cas dans leur au sein même du groupe, et un troisième album où ils ont splitté, je crois, au moment de la production, juste après. Et c'est un parcours intéressant. C'est un gars qui est né au milieu des années 70, qui a tout plaqué après l'aventure L'Est du Neuf, qui a cherché du taf, qui a fait les petits boulots, qui continue à taffer aujourd'hui, qui a autoproduit son album. À un moment où il a trouvé opportun et où les rencontres avec notamment un beatmaker lui ont permis de peut-être de se remettre en selle ou du moins d'en avoir l'envie. Et voilà, donc ça donne un album qui est assez touchant, qui est typique de ce que peuvent produire les rappeurs qui ont grandi, qui ont fondé une famille, qui ont réfléchi sur leur passé, à la fois leur passé en tant que, je dirais, membre de la grande famille de l'immigration et aussi de la grande famille du hip-hop. Mmh. Et le croisement entre les deux, c'est quelqu'un qui n'a pas un parcours de... il revendique pas du tout la rue, il revendique plutôt des valeurs familiales, etc. C'est assez intéressant aussi comme discours. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il est un petit peu en marge, notamment parce qu'il a fait état un petit peu du fait qu'il suivait le courant de pensée d'Alain Soral, égalité et réconciliation. Alors, c'est plutôt un courant de pensée qui est blacklisté d'office dans les médias français. Donc c'est vrai que c'est pas facile pour lui de défendre cette position-là, qu'on retrouve à l'occasion d'un morceau ou deux sur l'album, mais c'est pas ça qui en fait ni... je dirais, au-delà de la polémique, c'est pas ça qui est marquant dans ce disque. En tout cas, c'est un gars qui a des propos intéressants et qui donne à réfléchir. Et ça, dans l'hip-hop français, c'est un peu plus présent là actuellement depuis quelques années, ça ne l'a pas toujours été. Voilà, c'est ça. En tout cas, je trouve que son album vaut l'écoute, même si je suis pas la maturité. Je suis pas toujours fan de ses instrus. Pas systématiquement fan de ses textes, mais le personnage, lui, est attachant, ses propos sont intéressants, et voilà, ça donne envie de faire un petit bout de route avec son album L'Océan autoproduit. Donc c'est Kimto Vasquez dans Le Secret du Son d'Abba. On quitte la France et son hip-hop pour aller, pour souligner, pour introduire le gros boulot fait par Sunway dans la sortie du Kenya Special, qui est une sélection d'un double CD qui sort ces jours-ci, qui est un gros travail de digging, diront certains, de sélection d'enregistrements africains des années 70-80, donc du Kenya. Et juste avant la sortie, on vous en parlera, je pense, dans une prochaine émission de ce travail et de ce superbe coffret. Sunway Records, dont on évoque régulièrement le nom dans cette émission, a demandé à plusieurs artistes du catalogue ou des potes de remixer quelques titres. Et j'ai retenu le Nairobi Matata Jazz avec le morceau Mapenzi Yanana Daktari, remixé par Frank Francis, le célèbre DJ de Sofrito, mais qui traîne aussi dans le club de Sunway. On écoute tout ça et c'est déjà très alléchant et vraiment très très chouette. Voilà, je suis assez excité pour écouter le reste et du Kenya Spécial. C'est parti. C'est parti. dans Le Secret du Son de Bas, le retour avec Dream Building tiré d'un 12 pouces qui vient de sortir en cette fin du mois d'avril 2013. Ils viennent de signer chez Sub Pop pour le reste du monde. Ils restent sur Rocket Red Science pour l'Europe. Que dire, voilà que les Suédois sont en train de se mettre tout le monde dans la poche comme je le laissais supposer il y a déjà quelques mois avec leur premier album World Music, voilà, et que dire que ce mélange de rythme à afro, de garage 60s et d'effluves psychédéliques et bonnards. C'est tout à fait dans le ton de l'époque. Voilà, et bah, ça tombe pile poil. Là, ils ont, je pense, le son est un peu moins roots que le premier album. On voit que voilà, et le son pop, indie pop, en train de prendre le dessus. C'est cool, ça le fait. En tout cas, les deux morceaux de ce EP sont vraiment classe. On attend le nouvel album de pied ferme. Et puis, je pense que ça y est, là, ils sont programmés dans tous les grands festivals où tous les programmateurs vont. Donc, à un moment donné, je pense qu'ils vont peut-être passer par la France, Goat, dans et par l'Orient. Oula, ça j'aimerais bien, mais ça c'est autre chose. Mais il se peut que le programmateur bien-aimé de Lorient n'y soit pas tout à fait insensible. Exactement. En tout cas, il les verra à Barcelone, au Primavera, me semble-t-il. Il a pris rendez-vous. On poursuit avec My Sleeping Doll, on reste en Bretagne. On reste en Bretagne, on reste dans un format chanson pop, mais de celles qu'on aime, riche en émotions. My Sleeping Doll, c'est le projet d'une jeune rennaise dont les influences sont assez larges, et on en partage un bon nombre, de Joy Division à Björk, en passant par des choses sans doute plus personnelles que moi je connais pas forcément. Guitare... folk, pop, voix féminine à Rennes, évidemment, c'est difficile de démarrer dans l'ombre de Laetitia Sheriff. Hein, qui prépare un nouvel album. Qui est en train, en ce moment même, qui doit être à sa troisième semaine de recording. On suit ça sur Facebook attentivement. On a hâte d'entendre ça. Bref, on revient à My Sleeping Doll, puisque elle n'est plus dans l'ombre au sens où de Laetitia, au sens tu lui avais été un petit peu reproché, ça y est, je remets tout dans l'ordre. Ah, ça y est, tu y viens, tu te rappelles de son concert. Première partie de Mermont, Elisabeau, il y a un an tout juste pour je crois que c'était l'anniversaire Cafioul ou l'anniversaire Cafioul. Les 15 ans Cafioul. Très très belle soirée et effectivement on l'avait vu pour une première fois et moi il me tarde de la revoir à l'aune de ce premier CD puisqu'on va s'écouter son premier CD 5 titres que moi j'aime énormément. Vraiment des très très belles chansons qui restent assez rapidement dans la tête et dans le bon sens du terme, on aime à les avoir en tête. Très belle chanson, très très bien construite et joliment organisée, avec l'aide, la complicité de Pierre Marolo au derrière les fûts pour certains morceaux. Le batteur de For Damage et Fat Supper. Ce For Damage est un petit peu en pré-sommeil. Je suis pas court. Ça ne saurait tarder, c'est peut-être du off, je suis peut-être en train de m'avancer un peu, mais en même temps j'en ai déjà dit trop. Ça y est, t'es grillé. Voilà, en tout cas Fat Supper, c'est son groupe du moment. Bref, et aussi Loïc Nguyen, dont je crois savoir qu'il fait partie de l'aventure Will Only Said sur Rennes. Le tout enregistré, alors peut-être à la maison, mais en tout cas masterisé au studio Passage à Niveau qui... hélas, vient de fermer ses portes. Tristesse quand un lieu comme celui-là ferme, c'est jamais bon signe. Bref, on va s'écouter un extrait de ce EP 5 titres sorti en format CD et qu'on peut retrouver aussi sur son Bandcamp de My Sleeping Doll. C'est le morceau Explore. On vous y entendrez effectivement peut-être quelques intonations et éléments formels qui feront penser à Björk, mais pas seulement. En tout cas. Vraiment très très très très bon EP qui nous donne envie à la fois de la revoir en concert et puis d'écouter la suite. My Sleeping Doll dans Le Secret du Son là-bas. Fais-moi le disque. Going away. Dans le secret du son d'Abba. Voilà, c'était très très beau au Stakhanov samedi dernier, pour ceux qui y étaient, avec les déjà excellents Trench Space, il faut le dire. Samedi 11 mai, pour préciser les choses, oui, c'était une très très belle soirée. Ouais, Trench Space, alors putain, les Vendéens. Chapeau bas. Voilà, enfin avec du 1-6 dedans aussi, quoi. Et un gars du sud aussi dedans. Bon, c'est un mélange, hein, bizarre. Tout à fait, on en reparlera en tout cas. C'est le grand mix. C'est le grand mix de la noise 90s. En tout cas, c'était vraiment hyper chouette. Mais juste avant, il y avait One Link Less qui, je crois, a mis vraiment tout le monde d'accord avec ce duo qu'on avait déjà passé dans l'émission de Secret du Son là-bas, avec un premier album que j'avais déjà beaucoup aimé, qui revient avec un deuxième album. Je prends la pochette, voilà, qui s'appelle Spirit of Marine T-Race, qui sortit sur En veux-tu, en v'là et Who's Brain Records. Ah, je les invente pas, moi. Et voilà, qui est tiré à seulement 200 exemplaires, vinyle et CD. C'est une... Il va falloir un peu speeder, parce qu'à mon avis, ils vont être obligés de repasser. On s'est un peu précipité dessus samedi, hein, je veux dire, voilà. C'est parti comme des types. Hein. Ils ont fait à peine 10 dates et il en restait à peine une dizaine. Voilà, et je pense qu'ils vont être obligés de le represser. Tellement cet album pue la classe. Et en concert, ce duo batterie guitar slide fonctionne à merveille. C'est un mélange de folk, d'americana et de noise, un peu cosmique. Et en tout cas, là, pour le coup, leur concert était vraiment empreint d'une justesse et puis d'une sorte de magie vraiment très très chouette en début de soirée. Voilà, ne les loupez surtout pas en concert, c'est vraiment très très chouette, et l'album est vraiment une jolie réussite. Peut-être j'ai un petit bémol sur la production, mais voilà, c'est moi, c'est juste avec une très belle pochette aussi. Voilà. On va se quitter dans le secret du son d'Abba. On va se quitter dans les grandes largeurs avec un extrait de la compile. Comment elle s'appelle déjà ? Putain, j'ai bouffé son nom, ça y est. C'est Face in a Wet Season, si je dis pas de bêtises. Voilà, Faith in a Wet Season, c'est la deuxième compile du label Voxov Records, dont on avait passé un extrait de la première qui est sortie quelque temps avant, Fall in is a House of Gold and Rain, je vais y arriver. Yes. Voilà, c'était une très belle compile d'électronica super classieuse, essentiellement made in France. Et là, on ouvre un peu plus le spectre des provenances des projets qui participent, avec pas mal de monde à nouveau qu'on ne connaît pas, mais qu'on découvre avec plaisir. Donc autour d'ambiance drone et ambiante, voilà, assez climatique. Assez mélodieuse, on passe de choses qui font penser à Sakamoto à des choses vraiment justement très drone, très, très enveloppantes, etc. Moi j'ai choisi un extrait de cette compile par l'italien Mauro Teo Teardo, qui n'est pas un nouveau venu, loin s'en faut, c'est peut-être à défaut d'être le plus connu, c'est peut-être celui qui a la carrière la plus imposante des participants à cette compilation du label Voxov, puisqu'il a un gros CV avec des participations autour de la scène noise new-yorkaise, notamment avec Girls Against Boys et compagnie. On l'a retrouvé en France. Voilà, qui s'est reformé à la fois des travaux en commun avec voilà Girls Against Boys ou Lydia Lunch, un des gars de Cop Shoot Cop aussi, Coleman. Une palanquée de remix aussi avec pour un certain nombre de gens qui comptent, Placebo notamment, Front 242 aussi, Fetish 69, etc. On l'a croisé aussi du côté de Birmingham pour une collaboration avec Mick Harris au milieu des années 90 pour le projet Matera. Ah, c'était lui derrière C'était l'autre gars derrière Matera. Il a collaboré avec Northwest Wound. Enfin bref, énorme CV. Son prochain projet ou son nouveau projet au moment même où nous parlons et qui vient de sortir et dont on peut parier qu'il sera dans une prochaine édition, un prochain épisode du Secret du Son d'Abba, c'est son album Still Smiling, si j'ai pas de bêtises, en partenariat avec un certain Blixa Bargeld. Tiens. Voilà. C'est bizarre. Donc c'était l'occasion de mettre un peu déjà en lumière le travail de ce bonhomme, et on en reparlera évidemment. La réunion des stars. En tout cas, c'est un très très beau morceau qui s'appelle Several Tree Huggers Were Found Dead. C'est assez magistral, assez orchestral, et c'est parfait pour se quitter. À très bientôt. À très bientôt. Ciao ciao. Merci David à la technique. Merci Melon pour le bon son. Bonne nuit. Salut Grégoire. Bonne journée. Ciao.